sais que je passe mes jours à mentir. À mater les filles des rues et des murs. Je sais que tu sais ce que je sais beaucoup mieux que moi. C'est que tu dis tout même si tu ne parles pas. Que tu dis tout haut ce que tu penses tout bas. Et que si c'est toi que tu vis, c'est tout de même moi qui prends la tare. Plus.